J'ai un modèle qui est à peu près comme ça. C'est un body. Tes jambes et ici l'exemple. Il est là. C'est plutôt pas mal, moi, non? Moi j'aime beaucoup ça. C'est super joli. Tu verras. S'éloigner de